Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Wow. Bonsoir. Thierry Ardisson. Hein? Oh. Thierry Ardisson. Non, je crois pas. Je crois. Tu dis ça parce que je suis foot partout. Ouais, c'est ça. Bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast dans la salle Playel elle-même. Même si on est en live, même si c'est la salle Playel, même si c'est un plaisir de vous voir, on va faire le jeu du Floodcast. Non, mais bien on va pas sûr. S'emmerder à un moment. On le fait tous les deux, genre. Juste nous deux. Oui, par contre, il y a zéro invité. C'est que tout. Non, mais bien sûr que non. Eh, hey, je déconne. Préparez-vous. Des comme ça, il y en aura toute la soirée. Des max de vannes. On va même accueillir notre première invitée. Elle est humoriste, comédienne et autrice. On l'a vu au cinéma ou aux librairies, mais c'est sur Internet qu'elle a roulé sa bosse, telle Quasimodo. Je m'en fous, c'est les dernières. C'est de la merde, je le sais. C'est Natou! Natou, Nathalie, elle s'appelle Natou. Quasimodo. Comment ça va, Natou? Bah ça va, merci pour le smecta. Bah de rien. J'en ai pris trois aujourd'hui, donc... C'est assez impressionnant tout ça, là. Donnez pas tous les insights du showbiz, les gars, c'est trop con. Non mais c'est terrible, parce que autant qu'on est chez toi, tu peux cutter toute la merde que je peux dire, et là, non. Donc je suis un peu sous tension. Tout va bien se passer. Franchement, ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer, d'autant que tu n'es pas la seule invitée. Notre deuxième invité est comédien. Il est auteur, lui aussi. Il commence à multiplier les apparitions tous médias confondus. Il a marqué les micros d'une trace indélébile, surtout un. C'est Yvick Le Textier, Mister V. Est-ce que moi je peux avoir du smecta du coup? Ah, du smecta? Ouais. Ah, tout à l'heure. Ouais. J'en ai pas sur moi. Plus mais... utile sur moi, je crois. Bonsoir à tous, est-ce que ça va? Si quelqu'un a du smecta dans le public à lui donner. Ouais. Vous pouvez jeter du smecta, pourquoi pas? Ouais, c'est très flottant. Pourquoi pas? On va commencer avec cette première question. Dans l'Aube, une institutrice a été renvoyée et attaquée en justice. À votre avis, pourquoi il se fait un petit rail de smecta? Alors évidemment, personne ne souffle, hein, évidemment. Ah oui, faut pas souffler les réponses. J'ai pas prévenu, effectivement. Oui. Par contre, j'ai failli te dégueuler là tout de suite. Ouais. J'ai des trucs aussi. Smecta, oui, mais il me reste peut-être un peu au goût si t'appuies fort. Tu peux répéter la question? Bien sûr, dans l'Aube, une institutrice a été renvoyée et attaquée en justice. À votre avis, pourquoi? Alors, est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal envers ses élèves? Non. Envers ses élèves, elle les a laissés tranquilles. Excuse-moi. Non, vas-y. Non. Okay. Ne vous engueulez pas, en fait. On est en public. T'inquiète. Est-ce que c'est envers le corps des professeurs, quoi? Comment? Pardon? J'ai pas compris. Ça va, parce que j'avais pas tout le lexique. Mais en gros, je voulais dire, est-ce que c'est envers vis-à-vis d'autres professeurs de cet établissement? Non, elle a pas fait de mal aux autres. Il y a un rapport avec la matière fécale, comme d'habitude, tu sais. Franchement, je pense qu'il y aura jamais ça de toute la soirée, je pense. Ouais, non, je pense pas. C'est pas l'ambiance. Est-ce qu'elle a fait quelque chose sur Internet? Tout à fait. Genre un TikTok? Pas un TikTok. Un reel? Un lipdub? Un snap? Non, pas un lipdub. Elle s'est moquée de ses élèves? Non, elle s'est pas moquée de ses élèves. Elle a fait un post sur les réseaux sociaux? Sur un réseau social, effectivement. Un réseau social assez connu où il faut un abonnement spécialement pour se connecter à 4,99€? Enfin, je dis ça en moyenne. Oh, il y en a des plus chères, des fois, ça dépend. On a un Excel avec les comparatifs de tout ça qui arrive, donc t'inquiète. Bah t'es pile dedans. Ok. Eh oui. Bizarre. Alors moi, c'est quoi, c'est X? C'est quoi? Hein? C'est quoi, de quoi tu parles? Oui, c'est ça. Ouais. Ah non, oui. Ah non, d'accord. La pastille bleue sur X, c'est pas... Oui, c'est pour ça. Ah d'accord, mais moi je croyais. Il est dedans. Il est totalement dedans. C'est ce truc, le sexe dont vous parlez, c'est ça? OnlyFans peut-être. Comment? OnlyFans. C'est tout à fait ça. Elle a posté des vidéos sur OnlyFans. Tournée dans la classe. Ah! Eh oui! Les élèves étaient absents. Cavalier, oui. C'est ça. De toute façon, c'était juste des cours. Oui. Non. D'anatomie. T'es trop con! T'as eu des applaudissements, hein, les amis. Alors arrête de chier dans ton ben maintenant, c'est bon. Les études. Non, mais c'était un conseil, c'était pas une attaque. Oui, oui. C'était au cas où t'étais en train de chier, arrête. Une couche, oui, c'est vrai. Oui, les équipes de la municipalité de dans l'Aube, j'allais dire la ville, on va peut-être éviter, n'y croyaient pas quand ils ont été alertés des allées et venues étranges les week-ends au sein de l'établissement scolaire de la commune. Des parents et des témoins en plein doute, je pense, un parent d'élève qui a fait... Ouais, oui, père, un abonné. Bah, dis donc, je suis tombé là-dessus par hasard, regarde, on a hacké mon ordi, on m'a mis ça. Oui, oui, tu tirais sur la tige devant l'instit de ton gosse. Et effectivement, après quelques jours d'enquête, le poteau rose finit par sortir et une institutrice qui travaille au sein de l'école élémentaire du village profitait de ses week-ends et son arrêt maladie. Ça, franchement... Ah. Oh, petit public de droite arme, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Pour tourner des films érotiques dans la salle de classe où elle avait l'habitude de donner ses cours. Érotique ? J'ai pas les détails de ce qu'elle fait dedans, mais oui, il y a écrit érotique. Ça va, ça va. Ça va! Oui, c'était un énorme boulard, là, ça te met mal à l'aise, c'est érotique, oui. C'est trop cool. Oui. Donc, une fois que la nouvelle a été communiquée, le maire de la commune a décidé de contacter la gendarmerie. Les militaires ont également prévenu l'éducation. Oui. La NASA aussi, non? C'est juste, vraiment juste une meuf à poil. J'ai cru pareil, mais en fait, c'est ce qu'on dit des gendarmes, c'est des militaires, en fait. Oui. Ben, moi, je savais pas, je suis un con, tu vois. Moi, je voyais vraiment des mecs avec des mitraillettes débarquer chez elles. Ils peuvent, hein. On arrête de se doigter, s'il vous plaît. À partir du moment où nous avons été. Je m'en fous, c'est les dernières, moi. Rien à branler, hein. À partir du moment où nous avons été alertés, nous avons immédiatement convoqué la jeune femme, indique la directrice académique, auprès de nos confrères de l'Est éclair. J'ai copié-collé un article, c'est pas spécialement mes confrères, mais en tout cas, c'est l'Est éclair. Celle-ci a finalement reconnu les faits avant de faire l'objet d'une suspension. Cette question m'amène à cette autre question. Vous aimez le cul ? Pas du tout. C'était comment votre scolarité ? Quel genre d'élève ? Le lien, il est Ah bah il y a des virages, hein. Non, le lien est bon, le lien marche. Comment c'était la scolarité, Nathalie ? Est-ce que tu étais une bonne élève, déjà ? J'étais moyenne. Donc moyenne, 10. Oui, des petits 10, pas plus d'efforts. Mais j'étais très timide aussi, donc j'avais pas d'amis. Je jouais toute seule aux billes dans la cour. Oh non ! J'étais l'enfant seule étrange. Seule aux billes ? Oh non. Oui. C'est pas timide, ça. Et c'est je me loser, chiais dessus, hein. En plus. Ouais, non, mais... Ah oui, que... ça n'a pas changé. Hein. Team Chias. Il a fait un clin d'œil. Amis donc, ou pas la rêve, c'est vrai. Et donc, pas d'amis, mais de notes moyennes jusqu'à. Ah, j'ai un mec ça devant mes yeux, excusez-moi. Et ce pendant jusqu'au lycée ou ça y a eu des. Ah non, j'ai eu la crise d'ado à 14 ans. Là, je me suis révélée. Mais genre crise d'ado envers ta mère ou envers. Mais tous les professeurs, les pions, je voulais tout le temps avoir le dernier mot. Je volais des goûters dans la loge des pions. J'ai un mot dans mon carnet pour ça. Genre Nathalie vole les goûters. Mais mettez-lui les putains de menottes à celle-là, en fait. Ouais. T'es passé d'une vie de crime à une vie de flic, en fait. Oh. Oui. Oups, c'est sympa de votre part, mais... Je prends. Hein. Dans 3 jours, je suis au fond du trou, donc... Et quel est le truc le plus... à part les goûters, genre est-ce que t'as mal parlé à des profs ou ça... Mal parlé. Ouais. Ah si. Aïe, aïe, aïe. Il y avait madame Bélanger, je pense que il nous écoute d'en haut là. La coluche des proches. Ouais. Parce que quand j'étais ado, elle devait déjà avoir 60 ans. Je la détestais, elle était vraiment méchante, vraiment un méchant personnage dans les films. Et donc un jour, je m'étais mise sous sa fenêtre dans la cour, j'ai crié "Madame Bélanger est une grosse salope." Ah oui. Mérité. J'aime bien, c'est t'as déjà mal parlé ? Non. Ah si, j'ai dit grosse salope à la prof. Ouais. C'est considéré comme mal parlé, je crois. J'ai égorgé son chat. Bon. Je regrette. Pardon. Et j'ai été renvoyée 3 jours, du coup. Oh. Ah, ouais, t'as été entendu. Ils ont entendu ce que Ah ouais, bah elle a bien entendu, oui. Aïe. Yvick, la scolarité ? Très moyen. Ah aussi ? C'est du, ouais, on est sur du 12, mais il n'y a pas de truc dingue. J'étais pas le mec qui foutait le bordel, j'étais pas l'élève. J'étais vraiment la normalité. Et ma crise d'ado, j'en ai pas fait. Si ce n'est... Enfin... Elle se traduirait par faire des vidéos, peut-être. Dans la chambre tout seul. Voilà, mais c'est tout. Non, il n'y a pas eu de trucs dingues. Ah non, bah... J'ai pas insulté de prof. Désolé, j'ai rien à donner là-dessus. J'ai vraiment pas insulté de prof. Mais vous t'aimais, genre, aller à l'école ? Ou t'avais des potes, des trucs comme ça ? J'avais des potes ? Ouais. Non, mais Nathalie, ouais, on avait aucun, donc c'est pour ça que je demande. Ah, d'accord, ok. Ouais. Tu joues au basket Nathalie tout seul, Nathalie est grave seule, je te rappelle. Enfin, non, mais j'avais quand même une bonne bande de potes. Ouais, la bien chance. Sûr. Mais vraiment, la normalité, il n'y a rien de fou, quoi. C'est vraiment... Ouais. J'aime bien quand vraiment, même que c'est une normalité pour toi. Ben, oui, j'avais des potes. Pas si évident. Non, mais j'étais pas populaire et pas tout seul. Ouais, c'était vraiment la normalité. Normal man. Ouais, exactement. Toi, Adrimiel ? Moi j'étais je suis parti de genre très bon élève et après ça n'a fait que chuter jusqu'aux études secondaires tout le long quoi. Mais j'aurais dû sauter le CE1, mes parents n'ont pas voulu. Voilà, bon, c'est pas... C'est chez, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais voilà. Et non, et après, c'était... Et en fait, ça s'accompagnait aussi de le comportement qui dégringole aussi, quoi. Ah, donc rebelle aussi. Lorenzo Lamas, rebelle. Le rebelle, Lorenzo Lamas, effectivement. Ouais, en quatrième, j'avais... Normalement, je devais avoir les félicitations et avertissement de conduite en même temps. Et du coup, ils ont dit, on annule. Oui, t'as rien. Ça s'annule finalement. Ce qui était un bon deal en vrai. C'est ça. Parce que, bon. Oui, c'est bien. Mais c'est quand propre. Même, après, j'ai été collé pendant un trimestre, 4 heures tous les mercredis. Genre, c'était au lieu de dire jeudi prochain t'es collé, ils ont dit c'est un forfait sur tout le trimestre. Ah, et c'est tous les mercredis, 4 heures de 8 heures à midi, quoi. Magnifique. Donc voilà. Et moi, j'étais collé avec mon meilleur pote. Donc on était censé bosser, mais en fait, j'étais avec mon pote, donc on faisait rien, quoi. On faisait les zozos, quoi. Oh, zozo man. Non, moi, j'ai pareil, très normal. J'ai eu 11, mais tu sais, du coup, ça a tenu tout le long. De 11 du CEP au bac. Et non, moi, j'ai été collé qu'une fois. Pas pour un truc grave, mais pour un truc d'énorme ringard. J'avais posté des Chuck Norris facts sur le mur du lycée. Non, mais à l'époque, c'était pas ringard. Ouais. Hein ? C'était pas ringard à l'époque. Ah non, à l'époque, non. Aujourd'hui, je crois que ça a pris un petit coup. Bah, un petit peu, ouais. Après, c'était pas cool non plus. Non. C'était pas ringard, mais c'était pas non plus... Non. C'était une trend. Ouais, c'était une trend. Mais j'étais un TikToker, plus ou moins, à l'époque, déjà. Ouais. Un trend setter. Ouais, c'est ça. Il y avait ça et le Rickroll aussi à l'époque. Oui. C'était les deux qui se battaient. Mais ça revient des fois, attention, ça revient. Les Rickrolls. Vraiment que chez toi, ça. C'est vraiment. C'est pas vu où ça revenait, mais. Ça vous fait peur quand je vous les envoie par mail ? Dans une chaîne. Nouvelle question, on va parler beauté, on va parler skincare. Quelle est la nouvelle tendance esthétique insolite utilisée par certaines célébrités pour régénérer la peau et stimuler la production de collagène ? Le sang d'enfant ? Très bonne réponse. Non, c'est ça ? Ce n'est pas le sang d'enfant. D'accord. Mais c'est un liquide. Est-ce que c'est quelque chose qui provient de notre propre corps ? Non. On se pisse pas dedans, si c'était la question. Non, mais il y avait une traîne à un moment où elle se mettait de la merde. Enfin, je sais pas si c'était fake non, ou pas. C'est non. Fake ou pas ? Et tu connais pas OnlyFans ? C'est le sang, t'as raison, Kim Kardashian. Elle non, mais il y avait. Pris du sang pour. Mais il y avait la merde aussi, non ? Ou non, alors. Alors rien, il y avait aucune c'est merde. C'est dans mes rêves, peut-être les plus fous. Mais est-ce qu'on se rapproche d'un truc comme la merde ou pas ? Arrêtez avec ça, il n'y en aura pas de la soirée, je vous ai dit. Ok, est-ce que c'est du sperme ? Un peu déçu. Ah, ça, il oui, y avait. Alors, non, ça, il y avait eu. Ça, il y avait. Bon, on l'avait ça, c'est eu une légende dans le podcast. Oui, ça, c'est une légende de longtemps, ça. Oui. Bah, non, mais c'est pas nouveau, ça. Hein ? Le musp. Alors, c'est du musp. Le musp. Elon Musk, quelle est l'affaire ? Oh ! Merci. Le geste, là, j'en avais deux, soit. Non, j'allais pas faire le geste. Ne lève pas le bras après avoir dit Elon Musk. Il en reste que trois, on s'en fout. Ouais. On a dit qu'on le faisait dimanche. Ah oui, c'est vrai, pardon. Alors, c'est du sperme, mais j'attends une réponse plus précise. Attends, j'ai dit que ça vient de notre corps, t'as dit non. Du sperme d'un animal. Non, parce que c'est pas de notre corps. D'un animal. D'un animal. Hein ? C'est du sperme d'un animal, pas de notre sperme. Ah oui, d'accord, ok. Oui. De chien. Pas le chien. Le sperme du chien, c'est pour les cocktails, je crois. Sperme de mouton. Sperme de mouton pour avoir la peau douce comme de la laine. Oui, comme... De singe ? Pas du sperme de singe. À une époque, je voulais acheter le nom de domaine, je vais le dire, c'est, comme t'as dit, c'est la dernière. Ouais. Je voulais acheter le nom de domaine spermedechien.com. Juste pour avoir une adresse mail. Et genre, juste dire vraiment les yeux dans les yeux, genre, je sais pas, à la le portail français du porno canard. C'est quoi ? Non mais tu sais, tu signes un contrat, il dit, et c'est quoi votre mail ? Et tu dis, adrien@spermedechien.com. S-P-E-R. Ouais, bon, je l'ai pas fait. L'idée m'a fait sortir de ma torpeur en quelques instants. Je me suis dit, ça serait drôle. Et t'as pas réussi ? Il y avait pas. J'ai pas essayé, j'avoue, okay. Parce que ça coûte des sous. Et c'était déjà pris. Oui, il y avait que fr.st, co.uk. Enfin, c'était pas intéressant pour la France, je comprends. Spermedechien.org. Ouais. Bon, après, ça peut marcher avec d'autres animaux. Ouais. Alors, c'est pas du sperme de chien, pas du sperme de mouton. Est-ce que c'est un animal qui. Veau ? C'est pas un animal de zoo, si c'est ça que j'entends. Un veau ? Un veau, pas de veau, pardon, pas de veau. Est-ce que c'est un animal qui a un peu. Italien. Non, mais un côté un peu mystique, genre on du lui. Du sperme de un fée peu, de licorne. Ah oui. Comme t'adores. Oh. Ah. Ah mais je n'ai pas bougé depuis 14 ans. La chanson des licornes. Du sperme de baleine. On s'approche. De requin. Oh. De dauphin. Non. De narval. De requin marteau. Pas de requin marteau, c'est d'orque. Hein ? Non, d'orque. Pas d'orque. Plus petit. Poisson. C'est un poisson. Un thon, un brochet. Non. Une carpe. Un saumon ? Oui ! Oh ! Au saumon, mon préféré ! Premier sur le sperme, c'est Yvick. Nathalie m'a dit au saumon, mon préféré. Elle est très belle. Ils adorent les blagues de sperme, putain. Ah oui, pardon. Apéricu. Ouais, c'est ça. Non. Des célébrités comme Jennifer Aniston et Kim Kardashian, ainsi que Nikos, non, pas du tout, ont popularisé une nouvelle tendance esthétique, les injections de sperme de saumon. Notamment en Corée, cette pratique relève de la biorevitalisation, pas si dur à dire pourtant. Il consiste à injecter dans la peau un extrait d'ADN du saumon appelé PDRN, ce fragment d'ADN issu des testicules de saumon qu'on embrasse, simulerait la production de collagène et régénérerait la peau. Cependant, une docteure nommée Flore Delaunay reste prudente. Elle a raison. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dont le métier est de branler des saumons? Parce qu'il Pourquoi faut bien tu crois que je t'ai demandé d'arrêter le floodcast? Et donc oui, elle souligne l'absence d'études scientifiques rigoureuses, ce qui me fait rire. Bien sûr. Ah, un mec sur internet, process, si, hein. C'est du sperme de saumon, je crois. Avec deux doigts, putain. Ah oui, entre ne mettez pas... l'index. Oui, quoi? C'est une noisette de sperme de saumon, oui, il ne faut pas mettre tout le truc. Elle s'interroge aussi sur la provenance des saumons utilisés, souvent d'élevage, sans transparence, sur les conditions de production. Et oui, bah oui, on ne sait mais pas d'où ça vient. Mais combien de saumons faut-il branler? Bah, beaucoup, je pense. Vraie question. C'est énorme. Une chanson de Bachung, je crois. Combien de saumons faut-il branler? Il a un accent du Sud, apparemment, Bachung. Beaucoup, je pense. Mais ouais. Ou alors, ça... peut-être que dans la liste des ingrédients, sperme de saumon est en tout dernier et qu'il y en a très peu. Ou alors, ouais. Ou on... Je sais pas. Ouais. Non, ou alors, le saumon sperme beaucoup, ce qu'on sait pas. Moi, peut-être, sais pas, oui, c'est vrai. Il sperme. Faudrait non, non, la question. Pas tant, pas tant. Ouais, pas non. Tant. Je me suis renseigné, non, pas non, ok. Ça me fait poser cette première question. Est-ce que vous avez déjà sucé un saumon? Oui. Ouais, yes, ouais. Je suis vegan. Ah oui, pardon. Non, est-ce que vous avez déjà testé un soin de beauté un peu... Oui. Étrange, de la crème à base de bave de limace. Oh, t'as mis ça sur toi? Ouais. Ouais. Et efficace? Oh. Pas pour un sou, en fait, vraiment. Ouais. C'est censé raffermir, c'est ça, la peau, non? Mais oui, raffermir, rajeunir, bien sûr. Et non, mais juste, la meuf avait l'air trop contente sur la photo, alors qu'elle avait juste des limaces posées sur elle, des escargots un peu partout sur le faciès. C'était dégueulasse, d'ailleurs. Ah, dans les pubs, elles ont rarement l'air triste. Elle était trop contente, genre. Donc, j'y suis allée. J'ai acheté ça à 30 balles. Toi, Yvick? Ouais, j'ai déjà fait le soin qui consiste à se faire bouffer les pieds par des petits poissons. Ah, ouais. Ça me dégoûte. Bah, c'est assez agréable, en vrai. Ouais, non, mais... En fait, ce qui me dégoûte, c'est de mettre l'idée de mettre mes pieds dans le même bac que 15 000 personnes avant moi, quoi. Oui. Ça j'avais pas calculé sur le moment de... Je regrette un peu, là, maintenant. Mais... Ça explique beaucoup de panaries que t'as eues. Oui, voilà. Pas mal de problèmes d'hospitalisation qui ont suivi. mais non, mais j'avais fait ça, et c'est vrai que ça enlève pas mal de peau morte, hein, je vous le conseille. Tes pieds sont doux après? Hein? Tes pieds sont doux après? Ah oui, c'est super doux. Il y a vraiment un avant-après. Ah ouais. Et tu pourrais, la prochaine fois que tu le fais, genre tu les prends en photo et tu m'envoies pour voir comment ils pour sont. Voir, ouais, pour voir mais l'évolution d'avant-après. Ouais, okay. Ouais, c'est les ça. Envoies, quoi. C'est pas un délire au quelconque que tu aurais. Pas du tout, non, c'est juste comme ça. Ce mec-là ne connaît même pas OnlyFans. Donc oui. Après, c'est Twitter, donc. Connaît, il est quand même comédien aussi. Et comment vous vivez le fait de vieillir? Alors, pas forcément physiquement, mais est-ce que vous aimez vieillir? Est-ce que vous aimez prendre de l'âge? Non, mais par exemple, moi j'adore vieillir, par exemple. Donc, est-ce que vous. Ouais. Non, oui, en vrai, il y a quand même un truc où, quand on est jeune, on se dit « Oh, ça va être horrible quand je vais être vieux », ce qui est vrai. Voilà. Heureusement, la vie nous prépare des petits trucs pour compenser, quoi. En fait, on a du mal à se projeter quand on est jeune, mais il y a quand même un truc de genre... bah forcément, fatalement, tu comprends un peu mieux la vie. Donc, il y a un peu une sorte de sérénité un peu qui s'installe, quoi, quand même. Et tu te connais mieux et t'es plus à l'aise dans la vie. Et une fois que t'es bien à l'aise, tu meurs. Voilà. mais oui. Donc il y a un côté, évidemment, tu sens ton corps décrépit. C'est terrible. Mais juste ton pourri également. En fait. Là, j'ai cherché un mot, là, juste avant, quand je parlais, là, c'est terrible. Mais oui, il y a quand même des bons côtés. Toi, Nathalie? Oh, je me pose pas de questions, hein. Je suis contente. Ouais. Juste là, je commence à m'épiler le menton et ça me saoule un peu. Genre deux, trois poils bien durs. Et puis le tombouk. Oui, voilà. Et puis le tombouk, ouais. Sympa. C'est le seul truc. Non, sinon, j'adore moi aussi vieillir, c'est cool. Chaque tranche de vie est intéressante. Oh là là. Tout à fait. Ouais. Toi, Yvick? Bon, écoute, ça va. Puis je le ressens pas physiquement, personnellement. Il y a vraiment. Ah, la photo, honte. C'est pas filmé, heureusement, j'ai prévu. Ah, la honte, la coupe qu'il a. Ouais, t'as vu. Non, mais j'ai rasé, en vrai, j'ai des lèvres. Trop moche. Non. Sale chauve. Ah, la merde. Et est-ce que vous étiez à l'aise avec votre look, etc., quand vous étiez plus jeune ou pas? Bah, hélas, oui, mais après, c'est quand on revoit les photos de l'époque où on fait « Comment ai-je pu être à l'aise ?» Moi, je regrette les dégradés, quand même. Ouais. La raie sur le côté avec dégradé devant, c'est terrible. Toi, Yvick ? Ouais, parce que j'avais des cheveux. Donc, j'aimais bien. Et puis, non, en vrai, c'est pas que j'avais honte, c'est que les gens se moquaient de moi. Ah, à sympa, l'époque, ça, déjà. Mais j'avais un look potentiellement un peu en avance parce que je m'habillais comme un Américain à Grenoble. Et j'avais full baggy, Air Force One, tout ça. Okay. À une époque où évidemment c'était pas forcément ce qui courait les rues, surtout à Grenoble parce que c'était vraiment pas le look de base. Là, on était plutôt sur du RG512, du Rivaldi, du Hermès. Ah oui. Voilà. Je vois très bien. C'était plus ce délire-là. Parce que j'ai fouillé un peu vos archives. Oh. Et je voulais juste qu'on fasse un petit regard. Ça m'a été inspiré par ta vidéo que tu as sortie pas longtemps, Nathalie. Oui, avec Mélo Coco qui est dans la salle d'ailleurs. Comment ? Avec Mélo Coco. Avec Mélo Coco, qu'on embrasse. Est-ce qu'on peut regarder le premier ? Peut-être. Voilà. Ça, c'était toute jeune. Oh, wow. Jeune. C'est la rebelle. Là c'est la crise d'ado, là. Oui. Elle a 7 ans, je vous le rappelle. Elle était un petit peu rebelle. Et après, voilà, elle grandit. Oh, et voilà. Purée. Ah, mais là, on voit bien mon camelto, par contre. Alors, bon, on va l'enlever du coup. Alicia Milano, la ref. Alissa Milano. Non, Gillo. Ah. Très, très Gillo, là. On peut enlever le camelto, s'il vous plaît. Voilà. Et là, on va... Ah, oula, mais attends, c'est Zaz, là. Et là, il se passe plein de choses. Oui, c'est un mariage en Pologne, quoi. C'est pays de l'Est corps. Tu affrontais l'alien à l'époque. C'était l'alien de la souffre d'affaires. Oui. Et t'étais figurante dans Mad Max aussi, je crois, à ce moment-là. Je crois. Il me semble, hein. C'est dur. En si gros, c'est dur. Non, mais je vous invite à regarder la vidéo de Nathalie, qui est très marrante. Alors, on a aussi Yvick, alors toi, c'est vrai que t'étais déjà sur Internet un petit peu à l'époque. Mais oui, fait le zozo. Mais tu délirais. C'est un strabisme. Le contour est fait. Mais on pourrait te voir jeune un peu partout. Mais ton implantation était parfaite. Oui, ça va, je sais. Tu étais jeune et déjà Crédit Mutuel. Non mais attends, le t-shirt, pardon. Là, ah oui, donc c'est une pub, donc ça, c'est pas tes fringues. Si. C'était une marque de Grenoble. Welcome. À qui je donnais un peu de force. C'était pour d'envoyer de la force au Crédit Mutuel à l'époque. Ils en avaient bien besoin. Ouais. Puisqu'à l'époque, je vous rappelle quand même que Mister V lance la chasse au A. Ouais, bien sûr. J'étais sur tous les distributeurs de France. Ce qui pour moi était le Graal, complètement. Mais autour de la table, on a aussi Adrien, lorsqu'il aïe, aïe, aïe. Était un peu plus jeune et qu'il était... C'est génial. N'empêche, je baisais grave à l'époque. Ouais. Est-ce que la moustache, tu l'as rasée un peu ou ça poussait pas? Non, ça ne poussait pas. Ah, là, j'étais au... Tu vois bien qu'il n'y a rien qui est entretenu, là. Hein. Les vœux... Il s'agit de Samy de Scooby-Doo, donc... Oui, bien sûr. C'est vraiment, oui. Jusque même les fringues, tout. Et je jouais à Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer, ça. Eh oui. Bien sûr. Et donc, c'est pour éviter ça, Nathalie, que t'épiles ton menton. C'est pour éviter cette merde. D'accord. Non mais on voit déjà, oui, le gamer connecté à tout. Il y a 3 magnétoscopes. Non, il se passe des choses quand même. Et la tech déjà, hein. Et un petit cosplay de Tom de MySpace. Oui. Ouais, la pose, ouais. Tu vois, dans la posture. C'est pas de l'IA, pas de l'IA, ça. Le sourire ça, c'est, oh, ça, c'est pas. Oh, c'est oh, pas l'IA. Miyazaki, oh, attention, le pauvre, là, on regarde là-haut avec. J'ai encore une petite question. Je vais vous donner une somme, d'accord. Il s'agit de 1516,78 €. C'est une somme record, mais à votre avis, elle correspond à quoi, sachant que ce n'est pas le cachet que vous prendrez chacun ce soir, bien évidemment. 1500, donc c'est le fruit d'une vente. C'est le fruit d'une vente. C'est la vente d'un objet qui appartient à quelqu'un et qui sort de lui. Pas du tout. Est-ce que c'est la vente c'est d'un... C'est pas du sperme de qui que ce soit. On aurait pu faire le troisième. Est-ce que c'est enchaîné. Est-ce que c'est la vente sperme, d'un horrible merde. NFT de singe que... Non. J'aime bien. Non, ça vaut beaucoup moins maintenant. Est-ce que j'ai pas la suite. Est-ce que c'est le prix d'un billet d'avion? Non. J'ai voulu vraiment passer à autre chose. Et avec que ça. Ça avait marché, si tu l'avais pas dit. Non, c'est une vente. Est-ce que c'est suite à une vente aux enchères? Ah oui. Non. C'est la vente d'une place pour un événement? Non. C'est un truc culte. Record. C'est pas culte du tout. Est-ce que c'est la vente d'un objet tangible? Non, c'est pas un objet. Un service? Ah, c'est une sorte de service, exactement. Est-ce que c'est pour une dédicace vidéo? Pas, non, ce n'est pas ça. Donc un c'est, soin, une coupe de cheveux? Non. C'est la... Ah, attends. Est-ce que c'est un truc qui est un petit peu genre surnaturel? Pas du tout, c'est quelque chose que vous pourriez tous faire en vérité pour battre sur corps. Même tous les gens, enfin, qui ont de l'argent, tous les gens dans la salle pourraient le faire également. Un transport? Pas un transport, un service. Non, attends, quand tu dis pourrait le faire, pourrait... On l'a tous, c'est accessible à tout le monde de battre sur corps, qui a de l'argent, une fois de plus. Puisque là, mais côté personne qui achète ou côté personne qui procure le service? L'âge. Qui a le service. Qui achète, quoi. Ouais. Ok. Donc, oui, on pourrait le faire. Bah. Oh, Yvick, ça va? Oh là. Ouais, parce que oh je réfléchis beaucoup. Ouais, ouais. Oh là là. Je crois que ça part millénaire. Putain, c'est oui, non, mais c'est flou. Ça vient d'une appli. Voilà, je vous donne un... Oh. Ah. De rencontre? Pas une appli de rencontre. C'est sur les lives TikTok, là. Se faire livrer à manger? Oh. C'est une très bonne réponse, Nathalie. Se faire livrer à manger, c'est le record Uber Eats de cette année. Effectivement, on peut l'applaudir, Nathalie, on peut l'applaudir. Ah, la plus grosse commande. Ouais. Waouh. C'était si évident. Une commande de 1516,78€, Uber Eats a dévoilé dans un communiqué la nature et le montant de la commande la plus onéreuse enregistrée sur son application en 2024 en France. Cette commande a été facturée donc 1516€. Elle a été passée auprès d'un restaurant de Lille, le Tripletta Gant. Tu vois. Attends, savais pas quel accent prendre. Tripletta, c'est une pizzeria à Belleville. Oh. Voilà, moi je. Ah, donc très potentiellement bonne, une pizza. Putain, alors je dis ça. Ouais. Alors tu peux en acheter beaucoup moins cher en supermarché au rayon surgelé. De quelle marque? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, allez. Sodebo. Hop là. Oh. Avec un bon Ciao Kombucha. Non, il n'y en a nulle part. Il n'y en a nulle part dans aucun magasin. Donc oui, cette commande comprenait pas moins de 90... Alors que les pizzas, on les trouve partout. Ouais. C'est vrai, ça. Et de deux. Je vais les compter, les placements. Donc oui, 90 pizzas en tout. Un plutôt gros chiffre, des plats au nom aussi originaux que la Jesus Christ, la Brooklyn et la Space Cake, je sais pas. 16 livreurs ont été mobilisés pour apporter les 90 16, pizzas. Bah 16, ouais, parce que être tout dans un sur un vélo, t'imagines? Oh là là, mais il faut un grand vélo là. Bah là, j'arrive pas à me rendre compte la taille du vélo là. C'est un septuxique ou quoi ça? T'es trop con, Yvick, merde. Donc cette commande a eu lieu dans le cadre d'un hackathon, ça je connaissais pas. Quoi? Un événement pendant lequel des personnes se réunissent pendant 24 ou 48 heures pour travailler ensemble. Ah oui, un hackathon. Sur le développement d'un projet, ouais. Ouais. Je connais, c'est de la tech. Ils doivent tous ressembler au mec qui avait un book tout à l'heure, je pense d'ailleurs. Ouais, ouais, tous. Ouais. Et alors? Ouais, on meurt apparemment. On a oublié, on a merdé. Ah, j'allais faire comme si c'était prévu. Mais non, mais c'est le floodcast. Ah oui, pardon. Oui, en fait, par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui étaient là à la tournée qu'on avait faite? Oh, pas mal. Pas mal. Pas mal. En gros, pendant la tournée donc du Floodcast, j'avais fait un jingle par soir pour le jeu du Floodcast. Des jingles qui sont secrets aux oreilles de Florent, il ne les a pas écoutés. Et donc, voilà, on était censé le lancer évidemment avant que le jeu commence, on a totalement oublié, donc on va le faire maintenant. Ouais, ouais, mais pourquoi ouais. mentir en fait? J'essayais, je me dis, non mais t'as raison. Donc, voilà, ouais. Donc en fait, c'est plutôt un générique. Sachant que je ne suis pas du tout au courant, effectivement. Voilà, tu ne l'as pas entendu. Donc, lançons le générique du jeu du Floodcast, s'il vous plaît. Oh. C'est l'heure du jeu du Floodcast. Je répète, c'est l'heure du jeu du Floodcast. L'émission a commencé. Tout de suite là. Ça a commencé. Tout de suite là. Ça a commencé. B. Tout de suite là. B. Ça a commencé. B. Ça a commencé. Tout de suite là. Ben oui. Ça a commencé. Ben oui. Tout de suite là. Ben oui. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Voilà. Merci. Magnifique, écoutez. Non. Que de surprise. À votre avis, qu'a réussi à faire Tyrone Alexander Pendant 6 je vais aux States bientôt. Tyron. C'est pas dit. Yeah. Bouf. Je viens de vérifier, il s'appelle Tyron, je crois. Ah, okay. Tyron. Pendant 6 ans avant de se faire choper par la police fédérale. Voler des goûters. Il est pas allé jusque-là, Nathalie, quand même. Oui. Attends. Qu'est-ce qu'il faisait pour se faire attraper? Justement, il l'a fait pendant 6 ans sans se faire griller, et là, au bout de 6 ans, il s'est fait choper. Est-ce que ça implique du vol, quand même? Ce n'est pas du vol. Est-ce qu'il s'est arrangé de la loi, disons. Ok. Est-ce qu'il y a une histoire d'usurpation d'identité Très bonne. Oui, on est autour de ça. Ok. Inspecteur Méniel. Il a usurpé l'identité de quelqu'un? Très bonne réponse. Mal, hein. On est autour de ça, oui. Est-ce que ça... Qui n'était pas lui? Est-ce que... Attends, je vérifie quand même. Oui, vas-y. Non, c'était pas lui. Ok, on avance bien. Est-ce qu'il a... Il y a une histoire d'usurper l'identité de personnes connues? Non, je croyais que t'allais le dire. Non. Non, il a pas usurpé l'identité de quelqu'un de connu. Est-ce qu'il était pas connu? franchement, c'est... Vous êtes okay, un pino. Okay. Non, mais lui, c'est dans le mille à chaque fois, quoi. Ouais. Il s'est fait passer pour une profession. Alors oui, effectivement une. Une pardon. Une. Alors il s'est fait passer pour une profession et pas une IA. Pardon. Ah. Oui. C'est à la mode en ce moment. On en parle. Ouais pas. Ouais. Oh là là. Ah, attention, Miyazaki. N'en parle pas. Ouais. Donc oui, il s'est fait passer pour effectivement une autre profession que la sienne, qui lui a permis d'avoir accès à quelque chose. Okay. Oh. Et la même à chaque fois. À chaque fois. Pour un postier, pour voler des timbres. Non. Et il fait 50 piges de prison. Un policier? Pas un policier. Un chef d'État, enfin je veux dire un président ou un député, enfin voilà, un truc politique quoi. Un président, ce serait fou. C'est beaucoup. Ouais. En fait, j'ai paniqué, je voulais dire un homme politique. Je suis Macron? Bah en fait non, pas du tout, depuis le début. Je suis un c'est autre gars. C'est Gantelou. Qui est toujours très bien fait, on dit fake, toujours très bien fait. Toujours. Il moi était je prends toujours chimie, ça. Je prends panique. À chaque fois, je fais pareil. Il fait toujours attends, ça. Attends, tu racontes Macron. Oh, c'est Cantelou. Oh non, c'est Nico, merde. Il avait un crâne chaud, j'aurais dû le savoir. Il fait toujours ça, Cantelou? Non, c'est fini. Je crois, j'ai pas suivi non, toute l'actu pas. De Cantelou non plus. Bah, ça me déçoit de ta part. J'ai pu les retrouver sur TV1+. Sur TF1+, ah. Pardon, j'ai raté. Est-ce qu'il s'est fait passer pour un pizzaiolo? Non. Pourquoi? Ah, il est timide. Allez, j'ai envie. Le sale chauve, là. C'est un métier qui perd. Pardon. T'inquiète, vas-y. C'est pas du mansplaining, n'hésite pas. Ah non, pardon. Du man-interrupting, si je peux me permettre. Oh. Il lui a mansplainé le mansplaining. Non, le man-interrupting. C'est Inception, en fait, le mec. Pardon. Non, j'ai demandé, est-ce que ça donne accès à une denrée rare? Ça dépend de ton pécule, mais oui, un peu. Une quand denrée même. Pas rare. Est-ce qu'il s'est passé pour un métier d'Internet? Non, pas un métier d'Internet. Mais son arnaque n'a pas eu lieu sur Internet? Dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Ok. Est-ce qu'il se fait passer pour... Allez, on va tous les faire. Un boulanger? Non. Est-ce que il s'est fait passer pour une profession qui implique d'aller chez les gens? Non. Ok. Quelle profession? Bah, plombier. Électricien. Pas, commercial. Vraiment, plusieurs. Beaucoup. Aide à domicile. Livreur. Ouais. Énormément. Genre ta femme de ménage, là. Tu rentres jusqu'à ton salon de... Ah oui, non, oui, pardon. Non, pas forcément. Ah. Un médecin? Pas médecin. C'est un métier artistique? Non. Professeur? Pas professeur. Un métier qui offre quelque chose qui est très kiffant, que plein de gens aimeraient avoir. À tes souhaits. Un pharmacien? Non, pas un pharmacien. Je peux vous donner un indice. Oui. Il y a un film, pas sur lui, mais il y a un film qui existe sur un gars qui a usurpé l'identité. Le pilote. Aviateur. Catch me if you can. Oui. Alors. Oui. Un alors pas un ligne. Pilote, mais c'est. Je vais te l'accorder quand même. C'est un steward. À Bagnal. C'est là, non, le nom de DiCaprio dans Red Mask. Oh, mais ça va là, le ouais, cinoche. Ouais. C'est ou quoi? Et je suis Régel, le gorilla ou quoi? Entre 2018 et 2024, Tyron Alexander, un citoyen avec 35 ans, ouais, je me suis permis, je savais que ça t'énervait, a réussi à embarquer sur plus de 120 vols sans jamais payer, en se faisant passer pour un steward auprès de plusieurs compagnies aériennes. Il a exploité une faille dans les systèmes internes de réservation des personnels navigants sans recourir au piratage informatique ni à l'usurpation d'identité. Concrètement, il soumettait de fausses informations, notamment de faux numéros d'indication, de fausses dates d'embauche pour se faire enregistrer comme membre d'équipage auprès de 7 compagnies aériennes différentes. Pardon. Cette ruse... Ah ouais. Comment? Ah ouais, j'ai dit. Ça valait pas le coup de... Désolé. Ouais, mais t'es impressionné, quoi. Je comprends. Non, mais ouais, parce que normalement, on est d'accord qu'un steward, normalement, c'est une compagnie, quoi. Ouais, bah non, là. Et lui, il a dit, bah, quitte à mentir, autant mentir sur plusieurs compagnies. Ouais. C'était récent ou c'était vieux? Comment? Je dis, tu l'as dit. Il a redit, ah ouais. Non, ah ouais. Tu l'as dit, c'est de 2008 à 2015. 2008 à 2024. Okay, à 2024, pas. Pardon. Okay. Ah ouais, ouais. Ouais, il a fait ça, ouais, voilà. Et il a été interpellé et condamné le 5 juin 2025 par la justice fédérale. Il va se taper le pauvre 30 ans de prison. Voilà. Ah, wow. Ah oui, oh. Eh, c'est choqué, hein. Bah, c'est la justice. Bah. Quand on paye pas, on paye quoi donc? Les pots cassés. Bah, en même temps, il a bossé. Il a bossé quand même, j'imagine. Il a bossé, oui, il a bossé. C'est vrai qu'il a bossé au final. Parce qu'à mon avis, quand tu usurpes l'identité, tu dois bosser vraiment nickel. Tu dois pas faire un pas de côté, quoi. C'est qui ce steward de merde qui est assis, ouais, qui gueule pour avoir des coca? Non, oui, il doit être nickel. Donc du coup, quelque part, il a payé parce qu'il a fourni du travail. S'il m'avait eu comme avocat, il serait pas en taule, le mec. Il aurait la Légion d'honneur. Celle de Sarkozy. Oh, oh. Ah, je savais. T'en as pas marre de te mettre les puissants à dos? Bah, franchement, qui viennent en fait. Est-ce que vous, si vous devez changer de vie pendant, admettons, 24 heures, vous aimeriez vivre quel genre de métier, quel genre de vie? Est-ce que vous, qu'est-ce qui vous exciterait, qu'est-ce qui vous ferait envie? Chômeur. Oh, bah on n'est pas loin en vrai. Ouais, ouais, ouais. Bah, dans 3 jours. Ouais, c'est ça. Oh, qu'est-ce qui te ferait envie? Stuart. Stuart. Putain, c'est dur. Non, il dit que toi. D'accord. Ça va être si beauf, mais... Acteur porno? Non, mais non, non. Bah, excuse-moi. Non, producteur d'acteur. Non, okay. Non, non, non, j'allais plus dire un truc, mais tout droit, ça serait de dire un sportif ou joueur NBA, ouais, tu vois. Jouer NBA. Mais voilà, c'est vraiment tout droit, mais rien de fou. T'es fou de NBA, toi, c'est vrai. Ah, moi, je suis un fou de la balle orange. Mais attends, c'est genre... Oh là là, il a le geste, il a le geste. Jump shot, jump shot. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. 3, 2, 1, c'est dedans. C'est dedans. Oh, le mec. T'as fait gagner l'équipe, mec. Wow, but. Non, c'est pas ça, non. Ouais, bon. Attends, mais est-ce que c'est un truc magique où on a les compétences? Oui, oui, oui. Parce que moi, du coup, je dis pas joueur NBA si c'est avec mon niveau actuel. Non, non, là, on parle d'un... Je suis genre... Je suis... L'astronaute classique, quoi, pour aller dans l'espace comme Katy Perry, 10 secondes. Pour aller 10 secondes dans divise. L'espace. Ça divise, j'ai l'impression. Ah non. Ça, il y a d'autres trucs, mais on va pas en parler tout de suite. Ah, moi, ça m'angoisse. Ah ouais? Déjà, j'ai peur de l'avion, mais monter dans la fusée, elle était dans la fusée, ça, t'as tout le monde, ça explose. T'as jamais vu les docus? Tout ça pour arriver en haut et voir quoi? Un fond d'écran d'iPhone. Ouais, ouais. Comme, bah. Mais astronaute depuis tout petit, ou c'est un truc où tu dis là, franchement, c'est un là, truc... Là, pour faire mon intéressante. Ouais. Bah, ça a marché, t'as vu, j'ai chopé tout de suite. C'est tout. Non, donc, mais en vrai, je te rejoins, j'y avais pas pensé, mais en vrai, je pense que pour une journée... Voilà. Why not, quoi? Un petit Thomas Pesquet, quoi. Ouais. Ou, oui. Ou Katy Perry, ouais. Les deux. Voilà. Chacun son truc. J'adore cette meuf. Et toi, Florent? Oh merde, j'avais pas prévu. Bah oui, ça. Ah, parce que nous on avait prévu peut-être. Ah oui, bah oui. Non, mais vu comment fonctionne l'émission, enfin je sais pas. Ah, tu peux dire, moi je fais déjà mon métier de rêve, réaliser et écrire des films. Connard, va. Tout le monde le pense. Tout le monde le pense. Tout le monde le pense. Vu l'applaudimètre, tout le monde a. Je rigole. Acteur porno, non, moi. Ouais, ouais, ouais, la queue là. La queue. Oui, vu que t'aurais les compétences. Ouais, si oui. J'avais les compétences, bah oui. Ça va vous passer? Il y a ta fille dans les coulisses, c'est drôle. Ouais, oui, oui. Trop j'ose espérer mignon, qu'elle, trop ne sait, qu'elle ne sait pas ce qu'est un acteur porno. J'ose espérer, oui. J'aimerais vous demander la mode de l'Internet de 2014 qui est en train de faire son grand retour sur les réseaux sociaux. Ah ouais? C'est une mode, qui, ouais, une tendance, j'ai envie de dire. Qui était, qui faisait fureur, oui, en 2014. Ah, pardon, en 2014, ça faisait... 2014. Oui, ça, j'irais jusqu'à dire que ça fait le buzz, mais après je veux y aller mollo. Le Harlem Shake? Pas le Harlem Shake. Le Harlem Shake, les trucs, le free, où les gens s'arrêtaient là. Le planking? Ah, tu parles du mannequin challenge. Mannequin challenge. Ce n'est pas le mannequin challenge. Pas le planking non plus? Le ice bucket challenge. Ice bucket. Et bonne réponse, oh, Nathalie. Sur du web. C'est exactement ça. Attends, moi si je me trompe, mais c'est un peu plus tard le ice bucket, non? Moi j'ai noté 2014. Mais okay, après, non, je peux me tromper, je vérifie aucune de mes sources. Bah oui, bien sûr. Et à votre avis, pourquoi elle fait un peu polémique maintenant? Parce qu'ils l'ont un peu modifié. L'écologie? On gâche de l'eau? Ah, je l'ai vu en plus. Ouais. Attends, on gâche de l'eau? Alors non, ça va, je crois. Ah, est-ce qu'ils le font par surprise aux gens? Non. Mais ça fait polémique, du coup. Il y a, je pense que Trump l'a fait direct, et du coup, c'était vis-à-vis des idées de Trump, pour rien avoir. Non, Trump n'a pas fait le Ice Bucket Challenge. Il a fait le Harlem Shake. Si, il l'a fait, le Ice Bucket Challenge. Non, c'est ICE, Trump, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est une blague, c'est bilingue, ça. Ben, je l'ai pas, je suis tellement bête. C'est l'immigration, le service d'immigration, le ICE. Mais c'est dangereux, genre, tu peux risquer. Alors, hydrocution. Très, très bien. C'est un peu dangereux, pas l'hydrocution, parce qu'en fait, ils ne le font pas que à eux-mêmes. Donc pas à des bébés. Bah non. Non, à des morts. Non. C'est sur la tombe. À des animaux. Oui. Des oui, chiens. C'est vrai ça. Excuse-moi, juste, donc les bébés. Je suis avec vous. Je suis avec vous là-dessus. Je sais qu'il y a Adrien autour de la table, enfin. Ah bon. Non. Les morts, ça va. Mais le chien, non. Donc, c'est les chiens, effectivement. Il faut je peux, avec les ouais. chiens. Ouais. Je peux poignarder pour ça, moi. Bah, je sais. Le célèbre Ice Bucket Challenge, effectivement, qui à la base, c'était quand même pour une des assos, oui. c'était pour sensibiliser à la maladie de Charcot, fait son retour sur TikTok, cette fois pour soutenir la santé mentale via le hashtag Speak Your Mind. Mais le problème, c'est qu'effectivement, les internautes impliquent désormais des chiens dans le challenge. Ce geste soulève une vague d'indignation, notamment de la part des associations, comme PETA, qui dénoncent une pratique cruelle et traumatisante pour les animaux, comparant cela à du harcèlement. Les défenseurs des animaux rappellent qu'il est impossible de s'assurer du consentement des chiens, rendant ce défi inapproprié et maltraitant. Et bah oui. Et oui. Je vais vous donner des noms de challenge qu'il y a eu depuis 2007. Faut que vous me... Et on le fait. Ouais. Mettez la musique du Harlem Shake. Avec toute la stase. Est-ce que vous vous un cauchemar. Et pourtant, on va faire des trucs bien pires. Ouais. Un cinnamon challenge. Vous savez ce que c'est le cinnamon? Oui. Oui. Manger une cuillère de cannelle. De cannelle, exactement. Exactement. Le Chubby Bunny Challenge. Oui, c'est les chamallows. Chamallows. Exactement. Oh. Alors, fallait dire Chubby Bunny avec effectivement un max de chamallows dans la bouche. Ah, trop bien. Le... le planking, vous vous souvenez du planking? Oui. Oui, c'était de se... Ça, je l'ai fait. Se mettre gainer. Très droit sur... Ouais, c'est ça, se gainer sur un... Sur des bancs, surfaces, sur un ouais. Tu l'as fait sur ce que là. Tu veux, je crois qu'il y avait un truc... Ouais, ouais. Ah, ok. Ah non, tu... Hey, tu te planques où tu veux. Ok, ok. T'es libre, mec. Le Gallons of Milk Challenge. Le... Ah, mais ça, c'était... Ça, fallait c'était boire horrible. Un gallon de lait... Boire un galon de lait. Et en fait, le truc, c'est que tout le monde vomissait. Yes. On savait cool. rire à l'époque, les woke. Ah ouais. Le lip-dub universitaire. Bien sûr. Et chez Super U aussi, il y en a eu dans toutes les, dans tout. Tous les supermarchés. Il y en a encore possibles. De temps en temps. Ça revient encore de temps en temps. On en fait un ce soir, j'espère que vous êtes prêts. Et après, il y en a plein que je ne sais pas. Alors si, le bottle flip challenge. Oui. Bien sûr. Je le fais encore dans la vie. Bien sûr. Oui, mais... Insultez-moi peut-être. Non, mais pas en vidéo, tu le fais dans la vie. Dans la... Bon, moi, ah je oui. suis... Toi, tu vis pas pour les caméras, toi. Excusez-moi. Oh là. Oh. Oh, et non. Je retenterai après. Ok. Alors, le In My Feeling Challenge. Le In My Feeling Challenge. Non, vous voyez pas. Ça ressemble à quelque chose que je pourrais faire. C'est danser à côté d'une voiture en marche sur In My Feelings de Drake. Ah, ah oui, non, mais c'est Kiki. C'était pas le Kiki Challenge? Ouais. Tu dansais, Ah oui, tu ouvres la portière et tu marches, ça. C'est ça, ah oui. Eux, ils appellent In My Feeling, mais peut-être c'est Kiki, je sais pas. Renegade Challenge, chorégraphie TikTok devenue culte sur la chanson Lottery de K-Camp. Blinding Light oui, Challenge. C'est vrai que c'est, pardon. Il a tout, mais il a tous, mec. Mais toi, enfin, c'est vrai que t'avais après une époque... dire j'ai, ça ne. Moi, je peux, moi aussi, je peux le dire, quoi. Oui, j'ai. Tu vois, on l'a. Le Flip the Switch Challenge. J'ai. Ouais, grave. Ah, Switch the Flip, oui. C'est quoi? C'est un couple et ils changent de tenue dans le miroir. Waouh. Putain. Toi, t'étais un petit mignon, en fait. T'étais très actif sur Vine, toi, Evic, à l'époque. Est-ce que tu te souviens de l'époque où t'allais... Enfin, est-ce que t'as kiffé l'époque où t'allais aux États-Unis en faire avec eux ou pas du tout? Bah ouais, c'est... j'ai kiffé. Il y a eu des trucs... Moi, je me souviens... Je sais pas ce que t'introduis, j'ai peur. Non, non, rien du tout. J'ai rien là, déjà. Y a rien sur l'écran, je te rassure. Non, c'est parce que moi, je me souviens d'être allé aux États-Unis un peu en même temps qu'Evic. Oui, on avait fait des vacances ensemble. On avait fait... Alors, on s'est croisés là-bas et on s'est fait une journée parc tu l'as repris, quoi. Ouais. On a fait des vacances, on s'est croisés. On a fait des restos. Tu ne voulais pas me voir. C'est ça. Ouais. Non, on a fait une journée par attraction et... Oh. Il m'avait dit... Il y a un resto en plus, bordel. Oublie ça. Quoi? On a mangé au resto. A... Et quel resto, souviens-toi, un resto... Un resto français. Français. De beauf. Et on s'est fait un petit burger aussi sur un capot de bagnole. J'adore. Oui, pas te dire, mais on s'est régalé. Exactement. Et il m'avait dit, dans 4 jours, je vais à l'anniversaire de Logan Paul. C'était quand même oh, très wow. stylé. Ouais. Ah, donc il y a quand même un petit dossier. Non, non, non. Mais est-ce que toi, à l'époque des Vines, parce que c'était un peu avant les épisodes, tu as des souvenirs de... Parce qu'eux, ils étaient tous dans un... Tu veux dire de Viner pro-Trump? Ouais, ouais. J'ai pas mal de souvenirs. Je m'en rappelle pas mal. Non, oui, j'ai plein de souvenirs. C'est surtout que moi, c'est à une époque où il y avait toute une clique de Viner qui était ensemble et qui logeait à Vine Street. Ouais, à Vine Street, sur Vine Street directement. Ils avaient une sorte de gros condo, comme ils disent là-bas, avec un ensemble d'appartements. Et ils tournaient tout leur Vine dans la cour. Et il y avait un truc un peu fou. Ouais. Qui ressemble à nul. Enfin, je sais pas à quoi je pourrais le comparer en vrai, parce que c'était. Fougère. Non, mais un avec le joueur du grenier, quoi. Ouais, voilà, mais un microcosme de Viner où tu voyais des mecs, depuis la fenêtre, tu voyais des gens tourner un Vine qui le lendemain faisait 16 millions de vues direct. Ouais. C'était un truc un peu fou. Et ça, c'était quand même une bête d'expérience, ouais. Oui, il y avait un truc où chacun se faisait tourner dans des trucs. Bien sûr. On faisait un peu aussi à Studio Bagel. Le Fit and Fun. Hein? Le Fit and Fun. Oui, un peu. Oui, c'est ça, le Fit and Fun. Ouais, oui. Top. Nouvelle question. Dakota Johnson, c'est l'actrice de 50 nuances de Grey, parce que je sais que t'es fou de Cinoche. Dit a partagé un site internet qui propose un service assez unique en son genre. À votre avis, quel service? C'est un rapport avec son métier? Pas du tout. Alors le fait que ce soit Dakota Johnson, c'est juste qu'elle a fait la promo, mais ça n'a rien à voir avec le cinéma, être acteur, actrice, tout ça. Est-ce que c'est un rapport avec la livraison? Non. Livraison de quel aliment, par exemple? Ça ne vend rien. Alors, ça vend quelque chose, Nathalie. Est-ce que c'est quelque chose qui... Ah, elle vend un truc? Oui, c'est ça. Un service? C'est un service qui vend des choses, effectivement. Ah, mais donc... Une chose en particulier, sous différentes formes. Et qui ne vend... donc, il ne vend pas un service? Non, et qui te les envoie. Donc, c'est un objet tangible? Alors, c'est pas un objet... Oui, c'est quelque chose de tangible, en tout cas. Ok, ok. Est-ce que c'est sexuel? De la nourriture? Ce n'est pas sexuel, ce n'est pas de la nourriture. Alors, ça peut être sexuel et ça peut être de la nourriture, mais non, pas trop. Ok, d'accord. Ah ouais? Ouais, mais si vous êtes... fucked up quand même. Ah ouais, eh. On ne juge pas les kings, attention. Oh non. Mais là, vous êtes dégueulasse si vous faites ça. Ouais. C'est des animaux vivants? Ah ouais. Alors non. Ouais. Bon, le king est fou. Ouais. On va pas revenir. Non, c'est... ce ne sont pas des animaux vivants. Ok, des animaux morts. Non plus. De du la textile, viande. Du textile? Pas du textile. Des chaussures? Des outils de bricolage? Pas des outils de bricolage. Des trolls? Des figurines trolls? Non, c'est très spécifique. Ouais, ouais. Du merch du Floatcast? Des ouf. Oh, arrête d'en parler, c'est vrai qu'il y a un merch exclusif à la sortie. Voilà, qui sera en vente après le show aussi. Me voilà, enfin, c'est pas. Comme les pizzas. Même Même le prix vous fera rire. Écoute. Non, des après-ski? Des housses pour nappes de table? Je vais donner un indice. Est-ce que c'est les mains des collantes là? Des paniers de pique-nique? C'est les mains pour attraper des trucs collantes là. Est-ce que c'est les sandales avec chaque doigt de pied? Où tu peux mettre ton doigt de pied dans chaque doigt de pied? Les gorilles en plastique là avec une matière visqueuse et que tu peux tirer comme ça et écraser, oui, là. C'est ça, oui. C'est ça? Des claques-doigts? Alors, ce n'est pas tout ça. Une trousse? Oh. Mais franchement, continue à dire des objets, j'aime bien. Une trousse? Pas une trousse. Une lampe lave? Non. Alors, il n'y en a pas ici. Ça, je peux vous dire que c'est un indice. Déjà, il n'y en a pas là. 12 thermomix. De la mauvaise humeur. Alors ça, il n'y en a pas ici. Oui. Et des arabes. Je veux dire, autour de la table. Bravo. Je sais pas. Il y en a encore deux, hein, quand même. Attention. Hein. Il y en a encore deux émissions. Et sûrement que deux arabes dans toute la salle aussi. Effectivement. Merci. Donc non, alors ce n'est pas ça, Dakota Johnson. Mais cela dit, bon... Elles vendent des DVD dédicacés par elle. Non, c'est pas ça. En fait, ça n'a rien à voir avec elle, hein, je vous le dis, hein, vraiment, c'est même pas... Oui. C'est un truc qu'elle a fait... Le premier truc que t'as dit. Ouais, c'est un truc qu'elle a fait pour une copine à elle. Oh. Dans un but précis. Si vous trouvez le but, déjà, ça va... Lui remonter le moral. Elle a d'une certaine manière. Elle a un handicap. Des perruques. Pas des perruques. Pour une copine qui a eu un... Non, elle non, a... un truc... Elle a un handicap. Un truc un peu meilleure ambiance, Nathalie. La dans guérir. Une émission d'humour devant des gens. Ah, c'est pas... Oui, oui, c'est... Pour lui trouver un amoureux. Oh. Alors, c'est pas ça, mais on est dans le monde de l'amour. Même plutôt le monde de la fin de l'amour, parce que c'est quelque chose qu'elle a fait pour venger sa pote d'un ex. Ah, une poupée vaudou. Non. Plus Floatcast. Une merde vaudou. Très bonne réponse, Nathalie Méniel. Ah, là, acheter de la merde. Alors, de quoi la merde. Ah, faire livrer de la merde au domicile des gens. Faire livrer on de l'a la déjà merde eu, au ça. Domicile des gens. Et c'était ça, merde? Mais non. Alors, mais... non, c'est pas la merde de Dakota Johnson. Bon business, cela dit, pour ouais. toi. Ouais. Bah, rechercher un nouveau merch pour le podcast, peut-être notre merde, tout simplement. Ouais, pourquoi pas. Non, c'est un site. C'est le rire de beauf qu'il a fait. La merde. Et alors? Moi, bah, je suis client, merde. Ça m'étonne. Tu es à la maison, hein, Yvick. Bah oui. Me dis pas ça. Un... Me dis pas ça deux fois. Bon, attention. Ça veut dire ce qui peut s'en suivre. On sait, on sait. Là je le vois. Là quand... Voilà. Là, je connais mon Yvick. Ça fait quelques années qu'on se fréquente. Il prenait la température pour un potentiel happening. Rectal, du coup. Et apparemment, ça, il sera juge. Donc oui, le site... Ah là, il est comme là. Le site s'intitule Poop Senders. Ouais, bien, bien de nommé. Merde, qui permettent de commander... Alors peut-être, je crois qu'on a un visuel du site. Voilà. Alors... Oh, pour les auditeurs, c'est ni plus ni moins qu'un trou de balle d'éléphant ou de rhinocéros. Je sais pas ah, trop. Ah, c'est de la merde d'éléphant ? Alors, entre autres, tu peux acheter de la merde de vache. Mais tu peux choisir l'animal. On a déjà eu cette news. Ça me faisait plaisir de le faire. Non, mais. Est-ce que j'ai l'air pas content ? Non, en fait, on n'a pas eu la news. Je le laisse un peu longtemps pour les gens. Hein. Donc, oui, effectivement, en fait, là, c'est nouveau parce que c'est Dakota. Merci beaucoup pour les gens. C'est Dakota Johnson qui l'a conseillé. Donc on a elle a joué dans quoi, elle ? Pardon, j'ai aucune culture. 50 nuances de gris. Ah oui, ah, d'accord. Elle est dans Madame Web aussi, exactement. Et donc, vous pouvez faire livrer, à vous-même aussi, si vous avez envie, mais plutôt pour les gens ouais, qui là, ne c'est pas, bizarre. De la merde de vache, d'éléphant, de gorille. Elle affirme cependant ne jamais être allée jusqu'à. Voilà, elle a fait ce truc-là. Mais elle a fait appel à un site extérieur. Elle l'a pas fait elle-même. Elle l'a souligné dans un petit trait d'humour. Cette bonne. Elle a pas fait qui nous Dakota fait... ah, oui, Chias. Oui, Dakota Chias. Oui. Est-ce que vous quelques applauses. Est-ce que dans cette histoire fait. Dakota a. Oui. Dans cette histoire Dakota. Vous en seul. Il est là où qu'il espère loger. Ouais. Oh non. Dans cette histoire, Dakota a aidé une pote à se venger. Est-ce que vous êtes quel genre de pote quand un ou une amie se fait larguer? Est-ce que vous remontez le moral? Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous êtes plutôt non, c'est trop un con ou je sais pas quoi? C'est quoi pour toi un vrai pote? C'est ça que t'as envie de dire? C'est ça. Brice 3. Oui. La chanson de Big Flo et Oli, c'est oui, ça? Oui, je sais, ouais, je me souviens. Bah tu vois que j'ai une culture sinoche quoi. Ah ouais. Pardon. Tu m'en mets plein la gueule. Ouais. Toi, Adrien, t'es quel genre de pote s'il y a un pote à toi qui se fait larguer? Ou une pote d'ailleurs? Est-ce que c'est à nous de le dire au final? C'est vrai, à nos amis. Ils sont bah, on les appelle, ouais. Qui ça? Ça m'arrange. Non, mais nos amis, c'est pas ah, oui, nos oui. amis de le dire si on ils est des bons. Ouais, ouais, ça m'arrangerait pour la suite de l'émission que ce soit plus vous, mais oui, après je peux. Non. Ok, d'accord. Non, non, mais j'ai une autre question si vous voulez. Toi, Nathalie, t'as déjà dû. Oh, faire alors, ça. Non, mais moi je suis nulle en conseil, pardon, vraiment. Il y a aucun problème, j'avais pas vraiment de réponse. Woman. Dont on parle pas. Non, je disais que je suis nulle en conseil, genre philosophique, profond et tout, mais pour faire des petites blagues, genre oh, tu t'es fait larguer. Ben là, ah, tu vois. Et ça. Ça remonte le moral, c'est quelques vrai. Blagues. Grave. Tu vois, penser à autre chose. Mais c'est bien. Oui. Toi, Adrien, tu fais ça aussi, tu fais. Ouais, par exemple. Ouais. Non, t'es quel genre de pote? Comment? Même quand, en vrai, je peux élargir quand un non, pote va pas bien. Je pense que je suis une oreille attentive quand les gens ont envie de se confier. Mais t'as peut-être peur de gêner rien. Aussi. Pardon. Mais voilà, je suis pas forcément la personne qui va aller dire vas-y, parle-moi et tout quoi. J'attends que de voir si la personne a envie parce que bah des fois t'as pas envie de parler, donc j'ai pas envie que la personne se sente obligée de dire des trucs et tout. Puis en même temps, si je peux m'en passer. donc voilà. Mais après, si la personne a envie de parler, je pense que je suis une oreille attentive. C'est hilarant cette réponse. Et après, je fais dans mon froc et tout. La grosse merde. Voilà. Toi, Yvick? Un peu des deux. Ouais. Ça va, c'est cool ça. Pas mal, ouais. Ouais, c'est bien. Non, moi, je peux m'en suffire. Pète dans le micro, hein. Pète dans le micro. Non, mais. Non, mais je vais être une oreille attentive, mais je pense que l'important, c'est aussi d'aller de l'avant, donc changer de sujet et potentiellement essayer oui. de faire rire en faisant autre chose, notamment en teaser. Ah oui. En fait, tous les trois, juste on écoute. Ouais. On ne donne aucune réponse, rien. Oui, mais il y a des gens qui savent pas écouter. C'est moi, c'est surtout le truc de. Enfin, là, dans cet exemple précis, moi, j'ai eu peu d'histoires, quoi. Donc, qu'est-ce que ça fait? Enfin, je sais pas quoi dire à un gars qui se fait larguer ou qui largue. Il n'y a pas forcément à dire, c'est ça le truc. C'est ça. C'est que des fois, moi, je sais que je suis parfois dans la position opposée où t'as juste envie de te confier, de te plaindre même d'un truc. Et les gens qui te donnent des conseils. C'est énervant, quoi, des fois. Ouais. T'as envie de dire, non, mais je t'ai pas demandé de conseils, juste écoute. Ouais. Genre, non, mais peut-être que tu pourrais faire ça. Ta gueule. Vraiment, j'ai envie de rien faire, là, donc ne donne pas de conseils. Bah, ok, c'est le message est passé. Tes conseils de merde, là. Oui, non, bah, c'est bon, j'ai compris. Le Floodcast touche bientôt à sa fin, mais une petite surprise. Non, j'ai une petite surprise. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent du premier épisode du Floodcast? J'avais raconté une anecdote où j'avais invité une jeune femme, j'étais ado, donc une fille en fait tout simplement, ouais, ouais. à aller voir un spectacle d'un humoriste, à savoir Franck Dubosc à Dijon. Et voilà, et j'avais vu qu'elle voulait pas y aller toute seule, elle avait ramené deux copines à elle pour que je paye leur place. Chose que j'avais faite, sans aucun problème. En fait, le fait est qu'elle a écouté l'épisode. Donc, alors ça peut être terrible en ce moment, mais elle m'a dit, voilà, moi je l'ai pas vécu comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a, voilà, elle a jamais fait de scène, donc soyez sympa avec elle. Elle s'appelle Sarah Lecomte. Ça va, merci, merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. C'est... S'il te plaît, laisse-moi oui. parler. Pardon. Tu es Florian, c'est ça? Florent, c'est Florent. Ah, s'il te plaît, ne me corrige pas, je t'en supplie. Pardon. Non, ne me corrige pas, j'ai horreur de ça, je pourrais devenir fou de rage. Alors, je te le dis tout de suite, Sarah Lecomte ne viendra pas ce soir. Et je la comprends. Non, j'ai entendu ce flou de caste dans lequel tu racontais cette histoire minable. Vous êtes, Franck, vous êtes, je me permets, vous êtes auditeur, c'est ça? Non, Dieu m'en garde. Non. Non, pas du tout. Non, mais j'ai une équipe de personnes, 8 personnes qui s'occupent 24 heures sur 24 de voir un petit peu tout ce qui se passe quand on parle de moi, comme toutes les vedettes. Vous avez ça aussi, vous, je crois. Oui, ils sont 12, moi, mais c'est pas une compagnie. Oui, d'accord. Donc, Florent, tu me connais, je suis pas dans le genre à exagérer, mais cette histoire est l'histoire la plus pathétique que j'ai jamais entendue de ma vie. Après, je sais pas, j'étais jeune, c'était un peu mignon, un petit peu. Non, c'est parfaitement ridicule, c'est tout. Non, d'accord, ouais. Très bien. C'est... Même si on, si on regarde bien, j'étais jeune. J'ai bien regardé. Très bien, ouais. J'ai bien regardé et tu es un énorme ringard. Ah, si je peux me permettre, bien entendu. C'est un peu dur, mais... Vous êtes connu, donc vous pouvez. Ah, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Je comprends. Aurélien, c'est ça? C'est ça. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui. Ce qu'on peut faire, Franck, c'est bon, c'est humiliant pour moi, mais ça, c'est pas grave, c'est le podcast. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est que vous pourriez peut-être me rembourser. Oui, mais j'en avais l'intention. Ah, ok, merci. Si tu n'avais pas dit mon texte, je l'aurais dit. Tu m'as vu tourner cette page, mais tu sais, je tourne la page parce que j'aime avoir du papier dans les mains, c'est tout, c'est pas pour lire, c'est pas du tout mon texte. Tu me prends pour un ringard? Pas du tout! Pas non, du tout! Non, je suis pas dans le même cours, excuse-moi. Non, je vais te rembourser. Je vais te rembourser, effectivement. C'était où ce spectacle? C'était à Dijon. De pire en pire. Et, et c'était des places à combien? C'était 40 euros. D'accord, ok. Des places de merde. Écoute, ce qu'on va faire. 40 euros, tu me dis? Oui. Ah oui? Ouais. Allez! Regardez. On va arrondir à 40. Oui, bon, c'est pas arrondir du coup, c'est la somme. Vous étiez combien? Vous étiez 3? Ouais. Bah voilà, 3 fois 4, 100. Donc tu veux que je te les dédicace, non? Bon, ça va aller, non? Ça va aller. Non, c'est gentil, bon. Merci beaucoup. Alors écoute, je te les laisse, je vous laisse continuer votre magnifique spectacle. Bonsoir, monsieur, dame. Et comme on dit, ça envoie du sexe. Non. C'est ça, envoie du sax. Ah, d'accord, non, parce que j'adore le cul, moi. C'était Franck Dubosc, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir. Un rêve de gosse, tout simplement. On va continuer ce jeu. Et ce jeu peut vous intéresser dans le public, puisque Adrien va en chercher... 3 d'entre vous, alors attention, si vous n'avez pas envie de participer, bah, levez la main comme ça si vous avez envie de participer. Comment t'appelles-tu? Dorian. Dorian. Comment t'appelles-tu? Honorine. Comment t'appelles-tu? Guilhem. Merci, on les applaudit encore une fois. Mais on trouvait ça un petit peu injuste avec Adrien, puisqu'il n'y a que les gens. Parce que là, tout ce qu'on fait, ça va être diffusé, évidemment, en podcast. Et donc, il y a tous les auteurs qui se disent oui, mais eux, ils ont eu des places, nous, on n'habite pas forcément Paris, etc. Voilà. etc. Donc, les gens qui ne sont pas là ne peuvent pas jouer, on trouve ça injuste. On trouve ça injuste. Donc, on a décidé d'accueillir quelqu'un qui jouera pour les auditeurs. Donc, on a un quatrième invité. Il est caster, gamer, créateur de cartes et membre d'un célèbre binôme d'internet. On l'a jamais reçu dans le podcast alors qu'il a la diarrhée dans 80% des anecdotes qu'il raconte sur Twitch. C'est aujourd'hui chose faite, c'est Terracid. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a trop... Il y a beaucoup de monde. Elle a honte, les gens qui t'aiment. Merci d'être là, ça fait trop plaisir. Merci, j'ai fait une pointe à 110 km/h en taxi-moto. Oh, Coluche. Écoute, on est trop content de te recevoir. T'es jamais venu dans le Floodcast, donc on est ravis. Et tu vas voir, tu viens pas pour n'importe quoi. Vous allez pouvoir profiter d'un jeu extraordinaire qui est tout nouveau. Ce jeu s'intitule « À qui sont ces chiottes ?» Jingle. À qui sont ces chiottes ? À qui sont ces chiottes ? Des gens connus m'ont envoyé une photo de leur WC. Je suis maintenant pour toujours crié dans ce métier. Oui ! Ok. À qui sont ces chiottes ? Alors il faut savoir voilà, que Nathalie et Evie qui sont invités. Voilà, Nathalie, tu nous as envoyé une photo de tes chiottes. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer des photos de toilettes vides avec personne devant. Attends, c'était chiottes, Nathalie, ça ? Dans la maison de campagne. Ah, d'accord. Parlez bien dans le micro, chers amis. Ouais. C'était dans la maison de campagne, mais d'accord. C'est la déco des anciens proprios, j'ai jamais touché. Oui, bien sûr. Voilà. Et Yvick nous avait également envoyé une photo de ses chiottes. Magnifique. Des chiottes sobres avec le double disque d'or. Oui, mais oui. Bah de, oui, oui, c'est des chiottes. Alors, oui, rassurez-vous, voilà. On dirait que t'étais pas au courant que j'allais le mettre sur un écran géant. Bah, j'imaginais une autre utilisation, mais c'est très bien comme ça. Ça me va, ça me va. Ce qui est pire, genre, si je te demande juste une photo de toi devant tes chiottes, pour mon usage personnel. On va commencer avec une première photo. À votre avis, à qui sont ces chiottes ? Adrien Le Rit ! Ça te va ? Adrien... Une question. Pardon, on se concerte en fait. Non mais sur la question, vous pouvez c'est y aller. Un travail d'équipe. Est-ce que c'est quelqu'un du cinéma ? Ce n'est... Alors, je... à ma connaissance, à chaque fois, c'est moi qui. Il n'a pas fait de cinéma. Il déjà. Ah, allez, il... hop là. Ah. Ah. C'est un homme. Mais... Bien joué. Est-ce que c'est quelqu'un de qui est streamer potentiellement ? Non. Présentateur télé ? Oui. Oh, je sais. Ah, donc, est-ce qu'il est déjà passé dans le Floodcast ou pas ? Une question par équipe, celui-ci. Mais gourmand. Je peux dire le nom ? Ah, waouh, non, faut que tu me poses une question. Ok, il est vieux. Ah, pardon, attends. Qu'est-ce que t'appelles vieux et fais gaffe à ta réponse. Tu veux savoir ? Je connais pas son âge. Est-il tatoué ? Bah, ou alors à des endroits que je connais pas. Ok. Voilà. Mais je vois à quoi tu penses, ouais. Salaud. Oui, et bah, pourquoi pas ? Vous pouvez inscrire votre réponse, à votre avis, à qui sont ces chiottes ? Tu peux lui dire, oh, il s'est cogné avec sa propre Samuel Etienne. Samuel Etienne, très bien. Oh. Nathalie ? Pensez à Camille Combal. Très bien. Yvick ? Nagui. J'aurais donc envoyé un texto à Nagui pour m'envoyer une photo de ses chiottes, oui. Et nous, Camille Combal aussi. Est-ce qu'on peut savoir qui sont ses chiottes ? Camille Combal. Ouais ! Stop là ! Bravo. C'est un petit livre David Hockey, des chiottes très sobres mais très beaux. Il y a un petit livre un peu arty, on peut embrasser. Et on voyait sa main dans le reflet aussi, dans le carrelage. Ah ouais. C'est cool, c'est fou, Nagui a les mêmes. Il a les mêmes, non, c'est dingue. Prochaine photo, à votre avis, à qui sont ces chiottes ? Il y a un petit indice, je vais les décrire un petit peu pour nos amis auditeurs. Effectivement, il y a un pot dans une sorte de bidet, de lavabo en tout cas. Il y a un sac qui traîne Monoprix. Il y a une espèce de. Il y a un test de grossesse. Hein ? Un test de grossesse. Oui, on va aussi annoncer la paternité ou maternité de la personne. C'est un petit happening qu'on prépare. Et il y a effectivement un décor de soleil qui se lève ou qui se couche. Enfin voilà. Donc à votre avis, Adrien, peux-tu poser une question pour savoir à qui sont ces chiottes ? Est-ce qu'il vient quand même du milieu de la culture ? Oui, dans un sens large. Effectivement, ouais, c'est le milieu de la culture. L'équipe de Nathalie. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait le Floodcast ? Il n'a jamais fait le Floodcast. Il ? Allez, hop là ! À quelqu'un ? Oui. Peu de femmes m'ont envoyé des photos de leur chiottes. À part toi, Nathalie, mais t'es une vraie bonne copine. Terracide, à ton avis, une question ? Est-ce que c'est une femme ? Jeune Gris, une question vraiment assez... Non, mais... La question. C'était pas une femme, okay. Terracide. Terra, à ton avis, je te pose la question avec le public. À qui ? Ça, France 2 à la rentrée, préparez-vous. Terra, à qui sont ces chiottes ? Thierry. Thierry. Merde. Je sais pas qui c'est. Non plus. On a rien non plus. Bah, Thierry. Nathalie. Non, on a rien là. Vous avez rien ? Bah, vous pouvez, tant pis, vous répondez rien. Toilette sèche. Oh, la con. Yvick, l'équipe d'Yvick, pardon, à votre avis, à qui sont ces chiottes ? Guillaume Play. Non. Ce n'est pas Guillaume Play. Équipe d'Adrien. Non, on dit Guigui Pop. Guigui Pop. Ok. Et les jeunes papas. J'ai quelque chose à vous dire. Guigui Pop, déjà, est venu dans le Floodcast. Donc ça n'a pas marché. Oui, désolé. Oh, t'es con ou quoi ? Sérieux ? Oui. Il s'agit des chiottes... De Maxime Gasteuil. Oh, eh oui, c'est les chiottes de Maxime Gasteuil. Très beau chiottes. Ah, mais oui, putain. Eh oui. Attends, t'as dit milieu de la culture d'une certaine manière. Il est totalement dans le milieu de la culture. Il est acteur. Oh. Ouais. J'ai le point, on a le point, on a le point. Nouvelle photo. À qui sont ces chiottes ? Oh, il y a un jugement dans le public sur ces chiottes. Alors, c'est des chiottes effectivement très mosaïquées. Alors, je vous laisse vous concerter entre vous parce qu'en fait, je meuble. Hein, c'est une chaîne cryptée. C'est crypté, on dirait qu'on est sur Canal, effectivement. J'invite à noter les gens dans le public qu'il y a très peu de PQ qui restent. Attention à cette célébrité. Il reste plus beaucoup de PQ. Des chiottes encore très jolies. On parle de gens qui ont quand même de l'argent, hein, quand même, effectivement. Une petite pyramide de PQ qui me fait plaisir. Et deux petits trucs pour que ça sente bon. À votre avis, à qui sont ces chiottes ? Non, les questions, pardon, excusez-moi. Adrien. Est-ce que cette personne fait du stand-up ? Oui, c'est une très bonne question. Yvick. Est-ce qu'elle partage ça avec YouTube aussi en même temps, comme activité ? Non, elle ne fait pas de YouTube, cette personne. Super, merci. Est-ce que la personne... Allez ! Non, vas-y, vas-y. Vas-y. Est-ce que la personne est blonde aux cheveux bouclés ? Elle change parfois de coupe de cheveux, mais blonde, oui, on la connaît blonde. Terracide ? Est-ce que c'est une femme ? Oui ! C'est une très bonne question ! Ah, c'est une femme ! Ouais. Ah. Terra, n'hésite pas à venir, c'est vraiment parce que je connais pas tes chiottes et ça me donne envie ! Non, pardon. S'il y a des chiottes qui te font penser un peu au tien, tu n'hésites pas. Hein. Tu me dis, j'ai envie de connaître tes chiottes, Terra. Merci de venir que pour ça, tu es très occupé ce soir. Je pensais qu'on parlait Sinoche. Terra, ouais. On met ça ? Non, mais c'est pas grave. Hein. Oui, non, mais t'as les Turbox, mais enfin, elle est chiotte là. Ah ouais, ça vaut le coup de dire. Ouais, c'est blonde. Putain, bien vu. Ok, Adrien, à qui sont ces chiottes à votre avis ? Alors, on a dit Douli. Et il a dit, parce que Douli est en coloc avec Émeric Lompré, et il a dit les chiottes, elles seraient si propres avec Émeric Lompré. Je pense que vous avez bon. L'équipe d'Yvick. Putain, mais oui. Ami Bérangère Krief. Ok. Alors ça gruge à mon avis au milieu là. Bérangère Krief ici aussi. Attendez, je crois que ça gruge du côté de Terra. Qui est en train de changer. C'est un autre truc. Romanov. Okay. Non, ce n'est pas Romanov. Ah putain. Non. C'est pas les chiottes à Romanov. Non, on peut regarder la réponse. Et oui, c'est Bérangère Krief. Oui. Oh. Tu es déjà allé dans tes chiottes, Nathalie, peut-être. Tu as été aidée. Bravo. Nathalie, tu connaissais ces chiottes, peut-être. Tu étais déjà allée. Non, mais je pensais à Le Caplain au départ. Ok, on va passer à la nouvelle photo. À votre avis, à qui sont ces chiottes ? L'équipe d'Adrien, posez votre question. Alors, on est sur un chiotte. Il y a une petite poubelle à côté. Il y a effectivement un lavabo. Moi, j'aime beaucoup le lavabo dans les toilettes. Je ne l'ai pas personnellement. Je l'aime beaucoup. Il y a du PQ un peu loin. Il y a tout ce qu'il faut pour un petit intérieur. J'ai peur de me tromper. Est-ce que c'est un tampon qu'on voit dans le bac en jaune ? Est-ce qu'il a fait partie d'un duo ? Oui, il a fait partie d'un duo. Il l'a ? Oui, mais c'est pas clair. Il fait, oui, j'en sais rien. Il est une présentation. Oui, je suis fatigué. Donc c'est il déjà. Il est présent. Il est présent sur Twitch ? Oui. Alors attends, fais précis la question. Vas-y. Est-ce que les toilettes sont situées en dehors de l'appartement ? Ah, j'en sais rien, putain, j'ai pas la réponse. Tu as le droit à une autre question si tu veux. Est-ce qu'il est sur moi ? Oui, mais... Attends. Il est là depuis le début. Il a pas fait de promo pour des trucs à lui. Ce que tu vas faire, Terra, je t'en supplie, t'inquiète pas. Les cartes font cul, toujours disponibles. Est-ce qu'il habite au 4e étage ? C'est précis. Non, mais je crois que j'ai pissé dedans. Ah, pour ça. C'est un indice. Terracine aurait pissé dedans. Alors vous pouvez mettre votre réponse. Attention, tout le monde a noté. Je crois que l'équipe Divi n'a pas noté. Est-ce que vous êtes prêts? Non mais il gruge. Non non, on triche pas, on triche pas. Eh oh, eh oh, gruge. Mais merde. Adrien, ta réponse, toi, mais... l'équipe d'Adrien, s'il vous plaît. Maxime Biaggi. L'équipe d'Ivic. Ouais, Maximo Biaggito. L'équipe de Nathalie. Maxime Biaggi. Ouais. Et Lyon, je casse les codes. Il y avait un indice avec l'affiche de Bastia. Et oui. Et oui, c'était Maxime Biaggi. C'est un très bon jeu. J'en ai un dernier. Est-ce que vous êtes prêts? Nouvelle photo. À qui sont ces chiottes? Oh wow. Oui. Et la personne a été OK de les envoyer et qu'on ouais. les... Wow. Ça va. Vas-y, Adrien, l'équipe d'Adrien. On retente. Est-ce que la personne vient du stand-up? Non. Est-ce qu'elle a un domicile? Oui. Ouais, c'est pas évident. J'ai l'impression qu'on a choisi le bon cheval de ce côté-ci. L'équipe de Nathalie. Twitch, est-ce que c'est sur Twitch? C'est pas sur Twitch, non, Terra. Est-ce qu'il fait des vidéos d'essais horreurs? Non, non. Oh, celui-là, il va être difficile, il va être difficile. Alors, vous pouvez mettre votre réponse, donc oui, pour dire aux auditeurs, c'est un chiot d'une tristesse abyssale, bien sûr. Il n'y a rien, la porte est prête, c'est-à-dire que quand on fait caca, ça tape sur les genoux, sur des toilettes qu'on déteste. On voit la pression de l'eau. Non, c'est pas mes chiottes, non, non, non. Le PQ est encore sous blister. Enfin voilà, c'est vraiment les chiottes. Adrien, prends du recul actuellement pour nos amis auditeurs pour bien voir ces chiottes. J'ai besoin de la réponse de l'équipe d'Adrien, s'il vous plaît. Pourquoi c'est toujours nous en premier? Eh ben, je demande à Terracide. Voilà. Alors c'est pré- post-drama. Non, non, non, non. Non. J'y étais hier, c'est pas du tout ça. L'équipe de Nathalie. C'est des chiottes japonais qu'il a. Freddy Gladieux. Ce n'est pas Freddy Gladieux. Ivic. Non. Oh non. Et Adrien? Boublil. J'ai pas fini d'écrire. On dit Aurélien Prévost. Non, c'est pas Aurélien Prévost. La réponse va vous surprendre puisqu'il s'agit de Julien Granel. Oh, eh oui, what? Eh oui, un homme avec autant de couleurs. Il avait tout enlevé. Eh oui, il avait tout. Non, mais il l'a mis après. Mais voilà, un homme avec autant de couleurs et pourtant. Oh. Écoutez, c'est assez triste ce qui se passe, c'est qu'on a mis beaucoup plus de temps que ce que je croyais. Donc j'ai plein de photos de chiottes de gens, mais on peut pas les deviner, il n'y en a pas le temps. Bah ouais. Mais on va quand même les regarder. Ouais. Les chiottes, à votre avis, ça c'est à qui? Cyprien. On peut voir. C'était le Caplan. Est-ce qu'on peut voir les prochains shots? Et ça, Cyprien. Et oui, il y avait un indice, regardez là-haut. C'est effectivement les shots de Cyprien. Le prochain, attention, alors ça, c'est très dur. Non. Non, mais c'est un là, peu là, c'est moi. Là. Ah, c'est, je sais pas, Sarkozy en période prison, non? Non, il s'agit de Thomas VDB, bah oui. Et le dernier... Dernier, c'est un gag. Je n'ai pas voulu chercher. Et le dernier, des chiottes qui valent le coup d'une maison intramurose dans Paris. Squeezie. De Big Flo, évidemment. Oh, c'est pareil. Merci à tous. Chers amis qui êtes venus sur scène, où ça est? Vous connaissez le jeu à qui sont ces chiottes? Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Alors vous repartez tous avec une casquette collector du Floodcast qui n'existe même pas en merch. C'est une couleur qui n'est pas vendue. Donc c'est, elles sont uniques. Pourquoi elles sont pas vendues? Et à Trappe d'Orient. Chers amis, on arrive à la fin du Floodcast. Où est-ce qu'on peut tous vous retrouver? Ben oui, bah quoi? Ouais, peut-être qu'il y a des surprises. Mais il y aura plein d'épisodes après. Fini à tout jamais. Ivic, il y a un film qui arrive à la rentrée. À la rentrée, Mac Walter qui arrive. Voilà, Mac Walter, le film. Exactement. Que tu as vu. Que j'ai eu la chance de voir et qui est. Enfin, je veux pas le sur. Voilà, moi j'ai vraiment trop kiffé. C'est en fait, si vous aimez les Mac Walter, si vous aimez l'humoristique et l'absurde, pour moi, on a peut-être un truc du niveau. En tout cas, de sa génération, de ces grosses comédies quand même, comme Les As, La Cité de la Peur, tout ça. On est dans cette ambiance-là. La Vérité, si je m'en deux. Oui, tout ça. Cette génération-là. Citizen Kane, enfin voilà. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà, c'est vraiment très drôle, effectivement. C'est que tu as co-écrit. Avec Simon Astier, Vincent Thiel et Freddy Gladieux et Thibaut Valtou également. Voilà, magnifique. Et Simon Astier qui l'a réalisé. Exactement, ouais, en plus de ça, on l'aurait écrit avec nous. Nathalie, tu continues aussi tout ce qui est contenu sur Internet, YouTube. Oui, je continue, comme depuis 14 ans, à faire des petites vidéos sur ma chaîne. Oui, mais là, il y a une petite... tu as repris le rythme, tu as appris, tu as lancé des concepts et tout. Oui, je fais plein de choses. Un petit peu secret aussi. Oui, bien sûr. Ça me fait bizarre, il n'y aura plus de recos culturels et tout. Ah oui, non. C'est terminé. J'ai un petit pincement au cœur. On a plein de shots de gens connus, quand même. C'est vrai, ça. Ouais, c'était sympa. Mais ma reco culturelle, quand même, la dernière, c'était... de profiter de la vie, en fait. Oh, croquer la vie. Aller au supermarché de la bonne humeur et acheter des sourires. Profiter. Voilà. Comment passer après ça? Ouais. On va essayer, hein. Tu continues sur toutes les cartes bancules, effectivement, ouais. Qui te continuent. Donc... Je suis en live. Tu es en live? Là, littéralement, là. Ah. Oh, la chaise est vide, je dois repartir. D'accord. C'est pour ça. Malheureusement, nous n'aurons jamais nos cartes avec Adrien. Voilà. Fais-les. Si. Ah. Si vous recommencez le footcast. Oh. Il est fort. Il est fort. Ah, bien. Ah. Ah oui, oui. On l'a entendu, mais... Je suis extrêmement décevant ce soir, je suis désolé. Ah ouais. Je suis désolé. Non, je sais pas ce que j'ai, je suis un peu en dessous de mes performances. T'es devenu classe en fait ? C'est parce que c'est la dernière. Ouais, je crois que c'est l'émotion de la dernière. Ah ouais, bah oui, j'imagine. Le, un bon, nœud dans écoutez, le merci tout le monde. Merci beaucoup, merci. Et puis, on se dit à très vite. Allez, ciao, bye. Au revoir. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.